Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir comme ça, et oui, à chaque semaine, à vous offrir de la bonne musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Avec grand plaisir, je fais ça à tous les semaines et ça me nourrit personnellement. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre du Amelia Hall, il y aura du Laurie Leblanc, du Claude Cormier, l'album La Semaine, album instrumental Marie-Véronique Bourque, assez intéressant, merci. On va entendre aussi du Mélissa Ouimet, Céleste Lévy, Véro, Sophie Villeneuve, Sean Jobin et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques secondes avec le début de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. C'est-à-dire le bloc des maritimes. À dans quelques secondes. Ici Lalonde des ondes, très content d'être là chaque semaine, comme ça, à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Je tiens bien sûr à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir de la musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi au Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91 Saint-Boniface Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de faire tourner mon émission. Et bien sûr, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà! Allons-y avec l'émission d'aujourd'hui, le bloc des maritimes. On va commencer ça avec un petit bloc de gagnants qui ont remporté des prix au 6e gala de country qui a eu lieu en fin de semaine dernière au Mont-Tremblant. Amelia qui a remporté 3 prix sur 3, bravo, hein? Elle a remporté l'album chanson de l'année, elle a remporté auteur-compositeur de l'année, ainsi que la chanson de l'année Socan qu'on va entendre « Au bout du monde ». Par la suite, on va entendre Danny Boudreau, qui était ex-éco avec Amelia Hall pour auteur-compositeur de l'année. On va entendre l'autoroute sans détour, nouvelle version. Et Laurie Leblanc s'est mérité 2 prix, interprète masculin de l'année et spectacle de l'année. On va l'entendre avec Rêver en couleur. J'ai marché dans la brume, usé mes pattes jusqu'au talon. J'ai fait des pieds, j'ai fait des mille, suivi le soleil à l'horizon. J'ai vu les villages de fond en comble. Je te cherche au bout du monde. Franchi montagne et océan, les cheveux dans le vent, rêvant de mon corps entre tes doigts. Est-ce que je te ferais si t'étais là, ce que je donnerais pour une autre nuit avec toi? Je suis dans mes souvenirs pour trouver la force de poursuivre. Matin, des bouts de nous dans mes refrains. J'ai traversé vallée jusqu'au bout de l'éternité. J'entends ta voix dans mon sommeil. Je t'imagine là, à mon réveil. J'essaie de continuer d'y croire. Je sais qu'il n'est jamais trop tard. Même si la route m'éloigne de toi, même si le temps fait mal parfois, mon cœur nomade et vagabond. Tu cherches au bout du monde, au bout du monde. Je suis dans mes souvenirs. Y'en a qui roulent avec le feu, celui qui brûle même s'il pleut. Y'en a qui roulent avec l'argent, celui qui est taché de sang. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour. Sur l'autoroute, sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur. Allure, pensant rattraper le futur. Y'a pas de gêne, pas de barrière. On ne voit que les feux arrière. Y'en a qui jouent avec la mort. Y'en a qui jouent avec le sort. Il n'y a qu'une loi, c'est chacun pour soi. La vie n'allume plus l'amour. La nuit n'éteint plus le jour. Sur le tour, sans détour. À l'extérieur, de l'autoroute, sans retour. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour, sur l'autoroute. Sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur. De l'écoute, sans retour. Sans retour. Hey, hey. Oh, oh, oh. as-tu déjà rêvé et finalement dévoilé ce rêve qui semble impossible de réaliser? Souvent brisé par les mots, tu rêves en couleur comme un éclair à l'intérieur. T'as perdu ta lumière, rêvé en couleur. Enlever les barrières, faire confiance à la vie et ton chemin. Viser gros et viser loin, écouter ton cœur, oublier les frontières. C'est ta vie, c'est ton rêve, c'est ton destin, c'est toi qui l'appartient. Rêver en couleur. Viser le haut de la montagne, ce trajet semble impossible de réaliser. Il suffit de croire en toi, faire un pas à la fois, jusqu'au jour où tu brilleras au plus haut sommet. Visez gros et visez loin, écoutez ton cœur, oubliez les frontières. C'est ta vie, c'est ton rêve, c'est ton destin, c'est toi qui l'appartient. Confiance à la vie et ton chemin. Visez gros et visez loin. Rêvez en couleur. Enlevez les barrières. Faire confiance à la vie et ton chemin. Visez gros et visez loin. Écoutez ton cœur. Rêver en couleur, M. Laurie Leblanc, je vous le rappelle, interprète masculin de l'année. Il y a aussi le spectacle de l'année, le spectacle Tournée 20. Donc, deux prix pour Laurie Leblanc au dernier Gala Country qui a eu lieu au Mont-Tremblant. Je regardais ça sur Facebook Live samedi passé. Assez intéressant, ça roulait bien. Pas trop long pour les remises de prix, pas trop long pour les prestations. Donc, puis c'était assez intéressant. Si vous aimez le country, il y avait de belles prestations de ce côté-là. Donc, c'est vraiment... bon, il y a eu des petits pépins, là, Facebook Live freezait, là, gelait de temps en temps. Mais quand même, c'était une belle soirée animée par MC Gilles là, du côté du Casino du Mont-Tremblant. Bravo à toute l'équipe derrière ce gala-là. Sixième gala déjà de la musique country. On va poursuivre, si vous voulez bien, sur ma page de Facebook. Je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook. C'est tout simplement C-A-N, Trédillon, R-O-C-K, C majuscule, R majuscule. Et il y a beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles que je partage. J'ai partagé un petit texte en anglais, mais quand même, un petit texte qui parle de Colin Power, qui fait de la musique en français également. Donc, on va l'entendre avec tout simplement « Heureuse, mais pas riche » dans quelques instants. Et je ne sais pas si elle m'écoute via CHMR à Saint-Jean-Terre-Neuve, Labrador, le dimanche matin à 8h. Mais Colleen Power, on va mettre un homme là-dessus, à savoir, est-ce qu'elle travaille sur un album francophone ou est-ce qu'il y a possibilité d'un album francophone bientôt? C'est à voir. On va aussi entendre Brigitte Leblanc qui, en ce moment, commence à travailler avec Paul Darèche sur un prochain album qui devrait sortir au printemps là, 2019. Je vous tiendrai au courant sur ça. Mais de l'album Gitane du Nord, on va entendre « Je veux plus, veux juste de l'amour ».« Je veux juste de l'amour », très belle chanson de Mme Brigitte Leblanc. Mais pour l'instant, voici Colleen Power de Saint-Jean-Terre-Neuve, « Heureuse, mais pas riche ». Je voudrais un piano et plus d'espace. Mes vacances à Cuba, du vin rouge et un spliff, des bonnes vies pour les gens de maison et les pauvres artistes. Être heureuse, pas riche, pas riche. Je sais que l'argent peut acheter quelque chose. Achète-moi un piano, un de ces jours. Quand tu as de l'argent, les factures sont payées. Je veux que tu sois heureux, pas fâché. Je voudrais être heureuse, pas riche, pas riche. Comment nous l'avons fait aux années 90? Mais ma fille ont toujours pris leur douce. Nous étions heureuses, pas riches, pas riches. Je voudrais être heureuse, pas riche, pas riche. D'espace, mes vacances à Cuba, du vin rouge et un spliff, une bonne vie pour les gens de maison et les pauvres artistes. Je voudrais être heureuse, pas riche. Écrire une chanson qu'on chantera dans 100 ans. Je veux de l'amour, une maison avec toute une marmaille dedans. Je veux quand tu me regardes que t'aies envie de mes caresses. Et je veux qu'à toutes les fois que tu me prennes comme si j'étais ta maîtresse. Je veux juste l'amour. Je veux plus de frontières, je veux juste l'amour dans mon univers. veux juste l'amour. Oh, dans ma maison. Je veux pas qu'on me dise que demain sera un jour nouveau, mais je veux qu'on fasse que celui d'aujourd'hui soit le plus beau. Je veux qu'on se lève pour ce qu'on croit, pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, avec l'espoir qu'on bâtira ensemble un monde meilleur. Je veux juste l'amour. Je veux plus de frontières, j'ai juste l'amour aux quatre coins de la terre. J'ai plein d'amour jusque dans les prisons. J'ai juste l'amour dans toutes les maisons. Je veux plus voir toutes ces misères. Je veux juste l'amour pour tuer les guerres. Je veux rien que l'amour avant le cœur des gens. Je veux juste l'amour pour nos enfants. Je veux juste de l'amour, Brigitte Leblanc, de son album Gitane du Nord. Brigitte Leblanc, quand même, qui fait longtemps qu'elle tourne, parce que je me souviens, quand j'ai commencé dans le métier, j'étais pour la télévision de Rogers à Ottawa, et j'avais reçu son album Ma vraie nature, et puis ça, je vous parle de 92-93 environ. Donc, ça fait au moins une bonne vingtaine, si ce n'est pas une trentaine d'années, qui est dans le domaine de la musique, Brigitte. Et elle s'en vient avec un nouvel album ce printemps. Nouvel album, oui, on en a un de Claude Cormier. Un nouvel album qui s'appelle « Garde ton accent ». Et puis, j'ai écouté ça rapidement ces temps-ci, parce que ça va faire un commentaire, un de mes commentaires au mois de novembre. Album assez intéressant, merci, avec de très bonnes chansons. Je vais vous faire entendre lui. Et bon an, mal an, comme ça, M. Cormier est rendu à son 7e album. Il est des Îles de la Madeleine. C'est un gars super sympathique, très drôle, géant, là, de 6 pieds 5, 6 pieds, ouais, 6 pieds 6 à peu près. Mais un gars vraiment sympathique, belle fun à croiser. Et il fait de l'excellente musique. On va terminer le bloc des Maritimes avec ça. Voici Claude Cormier de son album « Garde ton accent ». Voici la pièce « Lui ». Est arrivé de nulle part, moi qui naviguais sans radar dans le brouillard. Lui, un peu comme la lumière d'un phare, il a pu sauver du naufrage mon équipage. Lui, il calme la mer et les flots, comme un ange gardien veille sur tous ses matelots. Lui, quand il a trouvé mon rafio, j'avais perdu espoir tellement je prenais l'eau. Jamais j'oublierai ce point de repas sur la montagne, j'y ai connu un frère. La vie m'a donné une autre chance, car aujourd'hui j'ai repris confiance. a toujours donné de son temps, possède un cœur presque aussi grand que l'océan. Lui, il a su guider bien des gens, ramener au port tous ceux qui bravaient les grands vents. Lui, quand il veut larguer les amas, le chemin tracé il nous confie là-bas. Lui, sans crainte je nommerai capitaine, pour le suivre peu importe où les courants nous mènent. Jamais j'oublierai ce point de repas sur la montagne, j'y ai connu un frère. La vie m'a donné une autre chance, car aujourd'hui j'ai repris confiance. Jamais j'oublierai ce point de repas sur la montagne, j'y ai connu un frère. La vie m'a donné une autre chance, car